je remercie Christian Topalov d'avoir sorti de la naphtaline le retraité que je suis. Ce rapport ne tombe pas du ciel, effectivement, et je vais, avec des mots différents et probablement plus concrets, revenir un peu au départ sur ce qu'a dit Barthélémy. C'est une façon de prendre les choses. Je veux m'essayer de montrer rapidement dans quelle séquence politique et culturelle un tel rapport peut arriver. Ensuite, je me livrerai à un examen plus approfondi, exclusivement des chapitres 3 et 4, en fait, et en me focalisant sur le fonctionnement de l'activité de recherche dans les universités et dans les laboratoires et sur le rôle que le CNRS a pu jouer et sur le rôle ou les rôles que les universités peuvent jouer et sur l'illusionnisme d'un certain nombre de points dans ce rapport. Pour annoncer la couleur, je dirais personnellement que ce rapport m'attriste plus qu'il ne me scandalise. Il m'attriste parce qu'il est co-signé, de fait, par un certain nombre de collègues tout à fait éminents. Une brochette de professeurs au Collège de France, notamment, qui ne sont pas parmi les plus étroitement érudits ou hyper spécialisés, éminemment respectables, qui sont des collègues éminents. Madame Morel, là, je salue le courage de Madame Pécresse d'avoir une fois de plus mis une femme en position visible. C'est un des mérites de Madame Pécresse, il faut bien le reconnaître. Madame Morel est quelqu'un d'éminemment respectable. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai signé sa nomination comme directeur de laboratoire il y a de ça 23 ans, quand elle a pris la direction d'un laboratoire à Montpellier 3, à Montpellier Paul Valéry, la direction d'un laboratoire d'études des sociétés rurales d'Europe de l'Est, et qui en dépassait très largement les pratiques de recherche habituelles des géographes. Elle est géographe, mais elle est largement au-delà. Bon, eh bien, oui, en fait, ses collègues se sont, comme le disait Barthélémy, ont inscrit dans un cadre politique assez précisément défini. Et alors, je voudrais quand même, parce que ça ne court pas tellement les rues, revenir sur les origines de ce cadre politique. Le point 1, c'est la hargne que suscite le CNRS dans la classe politique française et dans la haute administration depuis près de 30 ans. La première manifestation que j'en connaisse, autant que je me souvienne, c'est le conflit entre Madame Saunier Seyté, ministre de la Recherche, et Robert Chabal, directeur général du CNRS, 1978-1979. Je n'y reviendrai pas. La deuxième manifestation que j'en connais, c'est l'espoir annoncé à cor et à cri par le syndicat autonome des lettres en 1986, lors de l'alternance, exactement au moment où j'ai été nommé directeur du département SHS. Et un haut responsable du syndicat autonome des lettres est venu la semaine suivante me dire dans mon bureau: bien entendu, vous êtes là pour être le fossoyeur et pour fermer. Je lui ai dit que je n'entendais pas les choses comme ça, et les choses ne se sont pas passées comme ça parce que Alain de Vaquet, à l'époque ministre, qui était un proche de Chirac, a été et est resté pendant 20 ans, y compris pendant les deux mandats de Chirac président, un défenseur actif, autant qu'il a pu l'être, du CNRS. Et j'ai plaisir à le dire, parce que je le sais, il n'a pas toujours gagné, mais il a fait. Et alors, dans cette hargne anti-CNRS, j'ai eu un jour une surprise fantastique, ayant été invité S-Fonction à Matignon quand Rocard était Premier ministre. Des gens me sont tombés dessus Enfin, il y avait des réunions, une réunion de travail, puis ensuite une fiesta avec des. On buvait. Les gens sont tombés dessus pour me dire ah, le CNRS, ah oui, oui, vous reprenez le CNRS, cette institution que le monde entier nous envie, mais que personne ne copie. Et puis, plus précisément, le CNRS est une copie conforme de l'Académie des sciences de l'URSS, de feu l'URSS. Et oui, c'est des laboratoires en haute mer, n'est-ce pas, séparés de l'université, à coupure d'avec les universités. À quoi j'ai répondu, on peut peut-être dire que historiquement, c'est faux. Le CNRS, les créateurs du CNRS n'ont absolument pas copié en aucune façon l'Académie des sciences de l'URSS. En revanche, il est vrai que les laboratoires propres du CNRS ont été plus ou moins, et parfois plus que moi, fort séparé des universités jusqu'en 1964-65, lorsque le directeur général du CNRS reste nommé en 63, M. Jacquinot, qui, je dirais historiquement, a été l'un des plus grands directeurs, ou le plus grand directeur général du CNRS, a pris la décision, de créer des structures d'association entre le CNRS et l'université. C'est ainsi que sont nés à ce moment-là les laboratoires associés qui étaient supposés être gros et les équipes associées qui étaient supposées être plus petites. Bon, et le mouvement a été lancé et c'est à part et bon. Alors ensuite c'est devenu une unité mixte. Bon, enfin, il y a des tas de raisons pour lesquelles ça s'est approfondi, mais en tout cas une chose est certaine, c'est qu'à partir de 1964, l'affirmation d'une coupure dure entre les laboratoires du CNRS et l'université est devenue fausse. Au jour d'aujourd'hui, dans le secteur SHS, le rapport Morel & Co. l'écrit, il n'y a plus que 6 unités propres du CNRS. Je sais pour quelles raisons spécifiques elles sont restées des unités propres, notamment l'Institut de recherche et d'histoire des textes à Orléans, qui est une entreprise de chartistes, en fait, et qui n'avait pas la possibilité de s'accrocher à Orléans à un contexte universitaire favorable, donc ça restait une unité propre. Mais il n'y a plus que 6 unités propres et l'essentiel des forces humaines et du financement CNRS en SHS est dans les unités mixtes, comme vous le savez. Deuxième argument critique qu'on cité, c'était, ah oui, le CNRS, en fait, est dirigé par les syndicats. Les sections du comité national sont aux mains des syndicats et la direction ne peut que suivre ce que décident les syndicats. Alors ça, c'est aussi tout à fait exagéré. Ça, c'est vraiment tout à fait exagéré. Et j'ai écrit là-dessus un petit texte à l'occasion du cinquantenaire du CNRS il y a 20 ans. Parce que d'expérience et de concertation avec mes collègues directeurs des autres départements du CNRS, il m'est apparu que dans les disciplines dans lesquelles il y a un consensus scientifique ou intellectuel fort, il n'y a jamais de problème de contestation, de promotion ou de recrutement pour raisons, entre guillemets, syndicales, corporatistes, copinage ou compassionnelles. En revanche, et c'est vrai, dans les disciplines dans lesquelles le consensus intellectuel fait défaut, alors le compassionnel et le copinage peuvent apparaître. Ça, et ce n'est pas complètement faux. Troisième critique à l'encontre du CNRS qui court les rues, fait qui court les oreilles des parlementaires, y compris certains de gauche, puis je puis l'affirmer, c'est: les chercheurs ont la liberté de faire tout et n'importe quoi, y compris rien. Et il y a à peu près deux ans, M. Belloc, ancien président de Toulouse 1, Université de droit et d'économie et de sciences sociales, actuellement conseiller du président de la République, et au demeurant chercheur en économie qui, d'après d'excellents collègues à moi, a-t-il fait une bonne thèse dans un laboratoire de l'université associée au CNRS, un laboratoire brillant, du reste, dirigé par feu Jean-Jacques Lafont. M. Belloc s'est permis de dire, ça a été repris dans la presse, qu'un tiers des chercheurs SHS, je ne sais pas d'où il avait inventé ce chiffre, qu'un tiers des chercheurs SHS n'a jamais rien publié. Ce qui est radicalement, manifestement, ouvertement et grossièrement faux, bien évidemment. Mais il l'a dit et c'est repris. Et ça fait la vulgate commune. Bon. À ces critiques à l'encontre du CNRS se sont ajoutées, historiquement, la jalousie. Et la jalousie compréhensible, il faut bien le dire, de beaucoup d'universitaires, c'est-à-dire de professeurs et de maîtres de conférences, devant les chercheurs et ingénieurs CNRS. Cette jalousie n'est pas sans fondement. On ne peut pas. Il n'est pas facile de la récuser. En revanche, il me paraît plus facile de récuser la façon dont les présidents d'université ont utilisé cette jalousie pour monter un lobbying puissant anti-CNRS et pour dire à moi la bonne soupe, à nous la bonne soupe, nous voulons le fric et les postes du CNRS et nous voulons mettre ça dans les universités. Et là, je dirais, j'ai pas travaillé ça, mais j'ai quelques éléments qui me donnent à penser que c'est après le retournement de 93 sous le gouvernement Balladur que ce mouvement prend coalescence et que les présidents d'université deviennent audibles et pris en compte par les ministres sur ce point. À l'époque, le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, c'est François Fillon. Et j'ai un souvenir précis là-dessus. Arrive 2002. Alors, en 2002, on a la création de l'ANR. Et la création de l'ANR, c'est le souci de la part du gouvernement d'avoir une instance de programmation de la recherche et de définir un certain nombre d'orientations prioritaires en rapport avec le développement économique et technique. En fait, c'est ça qui était visé essentiellement. Personnellement, je ne suis pas du tout hostile à l'ANR en tant que tel. Je suis très hostile à la façon dont l'ANR a dépouillé le CNRS. Car en fait, comme il n'y a pas eu une grosse augmentation des fonds, des crédits, c'est au détriment des crédits CNRS que les crédits sont arrivés à l'ANR. En revanche, l'idée qu'il y ait en dehors de la recherche du CNRS et des universités dont la mission principale en matière de recherche et faire de la recherche fondamentale, qu'il y ait une définition par une instance qu'on appelle l'ANR d'objectifs plus précis ou plus intermédiaire entre le fondamental et l'un peu plus appliqué, ça me paraît pas du tout non justifiable. Ça me paraît même tout à fait justifié. Et en fait, d'une autre façon, c'était reprendre ce qu'étaient les missions de la DGRST, Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, dans les années 60. Et on sait que l'une des gloires de la DGRST a été de créer la biologie moléculaire en France à une époque où elle n'existait pas, au début des années 60. Le troisième, et je m'arrêterai là, le troisième moment de cette politique, c'est Sarkozy et le prurite qu'il a pris devant le classement de Shanghai. Alors, il faut mettre la recherche dans les universités, développer... Ah, oui, comme si elle n'y était pas. Et il faut que les universités montent dans le classement de Shanghai. Il y a un petit problème que personne ne traite, qui est que depuis 30 ans, on a dit aux présidents d'université et aux universitaires, c'est l'heure de la massification, il faut accueillir des étudiants, il faut arriver à leur donner des diplômes, il faut diminuer le taux d'échec dans les premiers cycles. Voilà. Et maintenant, on leur dit, opposition à 90 degrés, il faut monter dans le classement de Shanghai, tout pour la recherche. Petit problème, particulièrement en sciences humaines et sociales. C'est le taux d'encadrement. Alors là-dessus, le ministère, ça c'est pas dans le rapport. Le ministère de Madame Pécresse a diffusé il y a 2 ans un document disant après tout, les universitaires se plaignent, mais le taux d'encadrement en France, il est pas mauvais. Il est de un enseignant pour 16 étudiants. Il n'y a que quelques pays qui font mieux, un pour 14. Bon, simplement, ce chiffre ne veut rien dire parce que ce chiffre amalgame l'ensemble des disciplines. Or, vous savez ou vous devriez savoir que le taux d'encadrement a toujours été bien plus élevé en sciences de la nature qu'en sciences humaines et sociales, et que le taux d'encadrement dans certaines disciplines de sciences de la nature, en chimie, notamment en physique un peu moins, mais beaucoup quand même, ce taux d'encadrement s'est amélioré fantastiquement depuis 10 ans par effondrement des effectifs d'étudiants dans les filières scientifiques. Bon, en revanche, le taux d'encadrement ne s'est guère amélioré en sciences humaines et sociales, ou plutôt aussi, il s'est amélioré dans les disciplines français, latin, grec, enfin surtout en latin, grec et autres, par disparition des étudiants. Mais ailleurs, il ne s'améliore pas beaucoup. Bon, et c'est là un problème. Voilà. Alors, si je prends... Si je prends la fin du chapitre 3, tel que Haddad l'a tout à l'heure présenté, je lis ces choses ahurissantes. Et, parce qu'après tout, de temps en temps, revenir au texte, c'est pas totalement inutile. Un enseignant-chercheur doit établir des priorités dans ses activités selon l'époque de sa carrière. Doit établir, entre parenthèses, formation, recherche, aide à l'employabilité, expertise, etc. Dans la promotion d'une carrière, le travail d'insertion des étudiants, etc., doit être reconnu et gratifié. Ceci ne doit pas être confondu avec la dominante individuelle de la recherche qui est la norme dans la plupart des sciences de l'homme et de la société et qui tient aux objectifs étudiés. Ça mérite quelque peu, parce que affirmer aujourd'hui qu'il faut défendre la dominante individuelle de la recherche, c'est franchement ringard. C'est ne pas admettre, ne pas voir que l'activité de recherche dans pratiquement toutes les disciplines scientifiques, y compris de sciences de l'homme et de la société, est devenue une activité qui se fait au sein de collectifs. Ce qui n'exclut pas effectivement qu'un certain nombre de textes soient signés par des individus et qu'un certain nombre de gens prennent un temps pour écrire un livre qui fait le point sur ce qu'ils ont fait depuis 4 ou 5 ans ou plus, mais enfin, tous ceux qui ont une expérience de recherche dans des disciplines qui fonctionnent savent bien qu'on vit en relation avec un laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'on y soit tous les jours. Du reste, on ne peut pas, faute de locaux, surtout à Paris. En province, ça va plutôt mieux. Mais à Paris, il n'est pas question de travailler vraiment dans son laboratoire. Mais on a un laboratoire et on y va. Et il s'y passe des choses. Et, ça, c'est un changement qui s'est fait depuis une 30 ou 40 ans en relation avec le développement de l'informatique et sous ses différentes formes, c'est bien certain. Mais c'est un changement qui est fait. Et l'ignorer est déraisonnable. Bon. Cette section sur les enseignants-chercheurs, elle est un tout petit peu compassionnelle et pleurarde, parce que nos éminents collègues veulent dire qu'ils sont à l'écoute. Mais il y a un point que je ne leur pardonne pas de ne pas avoir indiqué ou de l'avoir indiqué d'une façon telle que c'est totalement inaudible, c'est ce qu'ils écrivent dans le point 4. Inciter à ce que la circulation des enseignants-chercheurs et des chercheurs soit encouragée par les nouvelles dispositions, devienne une réalité. Inciter à ce que ça devienne une réalité. Et on nous dit que le modèle, c'est l'université de type anglo-saxon, où la recherche se fait dans l'université. Bon. Eh bien, aux États-Unis ou en Allemagne, une chose est claire, c'est que on ne peut pas être recruté là où on a fait sa thèse et on ne peut pas être promu professeur là où on a eu son premier emploi permanent. En Allemagne, c'est la loi. Il est interdit d'être recruté en emploi permanent là où on a soutenu sa thèse. On peut avoir été Wissenschaftlicher Arbeiter, c'est-à-dire en fait travailleur scientifique, c'est-à-dire chercheur sur contrat. Un chercheur sur contrat peut être recruté peut être recruté là où il est Wissenschaftlicher Arbeiter. Mais s'il a fait sa thèse là où il est Wissenschaftlicher Arbeiter, il ne peut pas être recruté. Et alors, pour la promotion professeur, il y a une façon de tourner les choses, c'est de pouvoir dire, je suis à Munich, j'ai envie d'être professeur à Munich et il y a un poste qui pourrait me convenir, mais voilà, je viens de me faire élire à Heidelberg ou à Erfurt, où vous voulez. Alors, si je peux dire, Heidelberg veut de moi comme professeur, alors j'ai le droit d'être candidat à la promotion là où je suis à Munich. C'est ce qu'on appelle le ROUF, être appelé. En dehors de ça, pas possible. Aux États-Unis, Attention au temps. En dehors de cela, pas possible. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi, mais c'est la règle, sauf à Harvard, où Harvard se considérant comme nettement supérieur au reste du monde, Harvard se permet de garder ceux des thésards les plus brillants, enfin, ou qui lui semblent les plus brillants, et de les garder sur place. Mais c'est vraiment assez exceptionnel. Bon. Or, je dis que cette réforme est indispensable, si l'on veut réellement promouvoir, élever la qualité de l'activité scientifique dans les universités françaises. Le localisme est le mal le plus profond qui nuit à la qualité de la recherche dans les universités françaises et probablement aussi à la qualité de l'enseignement. Mais en tout cas, la qualité de la recherche est certaine. Parce qu'on ne m'ôtera pas de l'idée qu'un chercheur CNRS est statistiquement nettement meilleur qu'un maître de conférence moyen. Vous me direz, il n'y a pas grand-peine, puisque quand même, les chercheurs CNRS, il n'y en a pas beaucoup. En SHS, il y en a 1900 et quelques, alors qu'il y a plus de 15 000 enseignants-chercheurs en SHS, oui. Mais c'est bon. Et alors, une réforme de ce genre a existé 2 ans, entre 1984 et 1986. Elle avait été décidée par Chevènement, enfin Chevènement étant ministre, elle avait été préparée par Jean-Jacques Payan, directeur général des enseignements supérieurs à cette époque, mais 86 l'a balayée. C'est les juristes, c'est le syndicat autonome du droit qui a balayé cette réforme. Bon, j'en viens à un examen et réaction rapide du chapitre 4. Curieusement, ce chapitre 4 du rapport est diablement contradictoire, parce qu'il dit au début « Ah, mais c'est vachement bien le nouveau paysage institutionnel et nous y adhérons. » Et puis, il dit « Ah oui, mais s'agissant de l'évaluation, on est vraiment, personne n'y voit plus rien. » Parce qu'il y a l'ARS, le comité national, on ne sait plus qui fait quoi, etc. Faudrait quand même y voir plus clair. Et puis il dit, il faut faire attention à ce que les NSHS ne prennent pas trop de place. Mais en revanche, les MSH, c'est vachement bien. Or, qu'est-ce que c'est que les MSH? Il y a 20 MSH ou peut-être 22. Qu'est-ce que sont les MSH? Excusez-moi, les MSH, c'est des hôtels à UMR. C'est des hôtels dans lesquels, avec quelques services communs et quelques activités, je suis pour les MSH, bien entendu. J'ai contribué à ouvrir les deux premières. C'est pas autre chose. Enfin, la réalité profonde des MSH Paris étant un cas un peu particulier, parce que les MSH Paris, c'est l'étage de SFCL et HSS au-dessus. Et personne ne sait plus qui était MSH et qui était HESS, bien sûr. Mais, c'est un cas un peu particulier. Mais, globalement, la réalité profonde des MSH, ce sont de bonnes unités mixtes, université CNRS. Bon. Un point qui fait souci, c'est dire, prétendre que mettre davantage la recherche dans les universités, ça supposerait que les universités puissent avoir une politique scientifique. Alors là, je mets un bémol très fort. Ce que je vais dire ne concerne que SHS. Je n'exclus pas que dans des universités de sciences dures, les choses marchent mieux. Mais dans les universités SHS, ou majoritairement SHS, ou dans les universités dans lesquelles il y a un bon morceau SHS, le président n'a pas le temps de s'occuper de la recherche, puis ce n'est pas son boulot. Le président de l'université, c'est un général de division en temps de paix qui conduit ses cohortes d'étudiants. Alors, et que peut faire un conseil scientifique? Un conseil scientifique d'université n'a pas les moyens de faire de la politique scientifique. Le conseil scientifique des universités, il a les laboratoires qui sont chez lui et il dispose des rapports d'évaluation du comité national et maintenant aussi, mais oui, de l'AERS. Allons-y voir. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de suivre, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux que de suivre les recommandations d'organismes nationaux? Aux États-Unis, les choses sont assez différentes parce que il y a une pluralité d'institutions qui ont des comités de veille et de programmation, y compris les grandes fondations. Mais en France, ça n'existe pas. En France, il n'y a en fait que le comité national du CNRS et il y aurait peut-être l'AERS, j'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que un des atouts forts du comité national de la recherche scientifique, c'est de suivre des laboratoires pendant la durée d'un mandat, et même pendant la durée de deux mandats, parce que le taux de renouvellement des membres du comité national comporte une bonne partie qui font deux mandats. Et donc, il y a un suivi et une connaissance beaucoup plus profonde. Du fonctionnement. Ce qui m'amène à dire que la critique que fait le rapport Morel, je vais bientôt finir. Ce qui m'amène à dire que la critique que fait le rapport Morel à l'encontre des mauvaises capacités ou de la mauvaise qualité du rapport du rapport de conjoncture du CNRS, c'est à la fois vrai et pas essentiel. C'est vrai. Le rapport de conjoncture du CNRS, en tout cas en SHS, ça n'a jamais été un bien bon document. Et je dirais, l'activité du comité national, des sections du comité national, relayée par le filtrage du conseil de département et puis de la direction du département, enfin SHS, est en fait un suivi prospectif plus efficace que ce qui est écrit dans le rapport de conjoncture. Parce que le rapport de conjoncture, je ne sais pas pourquoi, mais ça remonte à très longtemps, est supposé être un texte bénisseur qui doit faire place à tout le monde. Donc, évidemment, on y voit pas bien clair. Bon. Donc, vous voyez, je pense que... Alors, un dernier point. Le rapport Morel & Co. soulève le problème de la diminution des effectifs chercheurs en SHS. Diminution. Ah, là, et là il est un peu inquiet. Et puis, et alors, il dit, merci d'Escola, il ne faut pas oublier l'anthropologie. Ah oui, parce que l'anthropologie, ça s'entienne peu dans les universités, donc il faudra des chercheurs. Ça, je le reconnais bien. Moi, j'ajouterais volontiers qu'on pourrait dire la même chose de la philosophie des sciences, parce qu'il y a deux bons laboratoires en France de philosophie des sciences. Ils sont lourdement soutenus par le CNRS, sinon il n'y en aurait pas. Et sinon, il n'y aurait pas de chercheurs assez bien formés en philosophie des sciences pour devenir professeurs de philosophie des sciences, heureusement ce qui arrive, mais dans les universités françaises, il n'y a pas assez d'enseignement de philosophie des sciences pour que former des gens localement en nombre suffisant. Tu vas m'interrompre. Bon, eh bien, je t'interromps. Tu m'interromps. Mais bon, ben, tu m'interromps, je ne conclurai pas. Le débat va... T'en prie. Très bien. Merci beaucoup de cette discipline difficile.